Nico, il va les blanches, oh Nico. Allez bonbonne, adieu les blanches, les nicos vous emportent, ligotez sur leur chameau. Vendez les blanches, au bico, une blanche vous prend un sandwich. Tunisien, deux blanches contre une merguez frites. Deux blanches contre une merguez frites. Deux blanches contre une merguez frites. Et là, là, là, là, là, là. Oh oui, oui, oui, oui, oui, oui. Sans un regret, les yeux fermés. Livrez les blanches au bico. Livrez les blanches au bico. Livrez les blanches au bico. Livrez les blanches au bico. Livrez les blanches. Au bico, livre les blanches, au bico, livre les blanches, au bico, livre les blanches, au bico. Adieu maman, adieu bobonne, sans un regret, les yeux fermés, on trône, on se la donne, on s'encule et on...